J'apparais tactique, devant tous mes potes elles s'actisent, factices comme ceux qui pactisent. Avec leurs démons de mes couilles, tous les navires ont les couilles. Différentes substances j'écoule et tu me demandes de t'écouter. Jamais tu dégoûtes, la 808 me met des coups. Quand tu joues je déco, ouah je passe en mode écho. Je dois fumer de la verge, j'ai plus le droit de jeter mes go. Ouah qu'est-ce que tu racontes négro. Pour toi y'a pas de gros mon gros, qu'est-ce que tu racontes négro. La luce come fai, collera su una rai. Sfondo tutto senza chiavi, wow. Lei mi chiede se mi ami, le rispondo New York. Per me è fare fuori questi stronzi, come fare sport. Respiro, lei si spaglia faccio un tiro, wow. La tua vista faccio un wico, non parlare troppo in giro. Non ti ascolto ma non perdo il filo, da Lione a Faro Beach. Resto senza bitch, torno a casa con un list. Spendo stipendi per i jeans. Vuoi limitare le risorse, Jolly le tiene nascoste. Vuoi limitare le risorse, Jolly le tiene nascoste. Niente risposte, niente risposte, niente risposte, niente risposte. Toutes les prods noblés sont à point niveau, vas-y prends des sons. J'fais coller l'ingé son point dans les balances, amique la potion. En ce moment je parle à raison, rabat sa mère, pose pas de questions. Quand j'ai perdu mon shit, quand j'ai perdu ma blair, j'ai qu'une envie, c'est recasser des fronts. On sait que t'as pas les fonds et tout ce que tu dis c'est du faux. En plus tu fais le fou mais tu te fais maîtrise par des filles. Peloté plein de défauts, impossible qu'on fasse un flic. J'kiffe les car les nymphos mais ça j'préfère les chiffres. J'ai valu la peur, j'ai valu la suite, j'ai volé la pomme. J'aime pas les manèges, j'ai pas les rappeurs, pas le rappeur. Préfère la basse, préfère la casse, plein de rapaces, plein des magames, pute ou femme, gloire ou larme, comme une odeur, communautaire, mieux y'a du terre. J'fais mon entrée, vrai j'suis déter, quoi faut du blé, j'vais redoubler des fonds, j'vais la baiser très fort. Pas de Crawford, pas de Pokora, j'ai senti l'aura. On fait des orages, on fait des naufrages, tiens. Venir t'as pas le courage, venir t'as pas le courage.